بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين، أما بعد، قال الشيخ سيدي علي الحرازم رضي الله تعالى عنه وارضاه عن نبي ناقلا عن سيدنا وسيلتنا دار بن سيد احمد تجاني رضي الله تعالى عنه في جميع المعاني. ولقد وقع الخبر ان الحق سبحانه وتعالى كان في الازل لا شيء معه، فبرزت حقائق الوجود المخصوصه شؤونا ملحوظه لا وجود لها في الخارج الى اخره. كون نيغي امون تي مانام تي والو ci yakutatul haqaiq sharh bi nga xamantene mom la ci sayyidna ahmad tijani radiyallahu ta'ala wa dana bi def te mu tudde manam sir al haraj radiyallahu ta'ala tudde ko jawahirul haqaiq fi sharh yakutatul haqaiq gis nañu ne manam wax ci ngeenel gi nek ci sikar bi ak ñu ngi yamon ci allah allah allah manam moy debut ñaan bi waxne manam lan lay tek hakikatan lan la e ko bax manam murtajal la masala bo baxam wala bok mustaq la ndax du tour bi dafa am fuñ ko xara wala tour bi xara wuñ ko fenn wa di wala ni tour bi manam day taxale deug deug nek tef gu mag gog nga xamantene dafa kawé subhanahu wa ta'ala te denc mbolam lo xamantene tak tak la te nek lo xamantene dafa am ak joyal gu fess manam ak ko manam absolute ba yek si won nañ fi nga xamantene mo wala qad deug deug waqarna waqarna al khabar khabar annane al haqu bur yalla bi deug subhanahu wa ta'ala djikaji kana nek na fil azali ci azal manam moy ba dara xewugut moy anterior ci absolu la shay adet dara maho di andak mom xam nga xamnañ ne borom subhanahu wa ta'ala li kom bat bi bat yoy bom bat hadith la kana allah wala shay maho kana allah wala shay ghayruhu kana allah wala shay'un ghayruhu ak yoy non nga xamantene ñu ngi ci hadith la yu siw ñu ngi ci sahih ni sahih imam bukhari rahmatullah alayhi ak yenen tere ak kana allah wala shay qablahu dama amna ci benen riwaya bu wax lolu après hadith bi mu kontinete wa kana al arshu wa al ma wa arshu mu tegg won ci kaw ndox legi li yeme nak manam kaddu gogou manam lolu ñu mom ñew na ci hadith manam kon mana wax ji ni mom ñew na ci hadith wala moy ne yalla mo dafa meuse dafa meuse nek naka jek te amul won dara lu fi nek ak mom niki non dafa meuse manam ci waxini nak ñoy wuté ci riwayat dafa meuse nek te amul dara lu and ak mom dafa meuse nek te amul dara lu ko jitu dafa meuse nek te dara nek lu fi won ak mom dafa meuse nek te dara nek lu won lul mom manam riwayat yoy yep amna nak ci benen ki moy dayer mom la ibnu atayla continue wa huwa al-ana ala ma alayhi kan manam ba legui ni nam mo sa nekke naka jek non la nekke ba legui waxna nak buñu askana ci sayyidina ali karramallahu wajhu ak wërum ak ñu ñak wërum dess na ma leer ci ne ndax deug deug wër na tukke ci sayyidina ali karramallahu wajhu ci ne mom wax mo yeggal ci huwa al-ana ala ma alayhi kan waye ibnu atayla mom lool la wax te askana le wuko ci hikame rahmatullah alayhi wala manam yalla da fe ma sa nek ala kul halin wax dodu manam non la manam yalla da fe ma sa nek te dara nek lu fu ak mom jamono la jo xamantene bimu fi nek amul won temps amul espace te bimu fi nekke gannaaw ga nek na fi te temps amul espace amul comme niñ ko gissewon gissou niñ ko ci ay jotay depuis yakarna bi tolo chapitre 10 bi amna ci benn jotay bo xamanteni doon nañ ci yaatal walu gogou moy mais borom bi subhanahu wa ta'ala manam créer bi mu créer espace bi mu indi temps en fait temps du du du du paramètre bu indépendant temps liko créer moy espace manam le fait que planète bi nek fi jant bi nek fi yenen ñi nek fi et cetera légui mu am le fait que espace bi di tourner manam affaire yi di xew yi di am ñu xamné jant bi bu joggé fi bo gennat bala muy dugat ni et cetera ñu mën repérer affaire bi lolo indi temps kon bu fi espace bi nekul won temps do am voilà kon motax lolou nga koy mëna gis ni ma borom subhanahu wa ta'ala azal yi gi nga koy mëna di comprendre ngay mëna comprendre ni azal en fait le fait que ñun ñu nek ci bir espace bi mo waral ñun mënuñu concevoir ci suñu xel yi gatt yi nga xamne dañ ko limiter trop manam mënuñu concevoir lo xamantene amul temps nekul ci bir parce que lan motax parce que ñun dañu teunk ci ben espace bo xamne fofa la budda manam mënta ñek ne lay xew yep fofu lay mëna xewé ci ñun mais su fekkentene dañu genn won buñu timat espace bi yep ñu nek ñun ci bici dañuy gis ne fofu ñun temps en réalité temps ñun ñoo ñun suñu conception mo créer temps du la théorie de la relativité moy relativité bi bobu non té lolu hatta ñi bok fi ñu nek sax dañ koy gis tay fi mu tollu leg leg nga gis nit ko xamantene da na mbir mi dal dum ko don dund mais dafa gaaw manam affaire bi dafa mel lu gaaw alors que même temps bi c'est parce que yow yaangi dund lu neex motax mu gaaw mais bu lolu laqari la am na ñoo xamantene jamono jo ñom ñi ngi dund lu laqari temps bi dafa melni ay benn journée mais dafa melni ay at ci ñom dafa melni ay at ci ñom lol tam soko xolé da ngay gis ni malaka masalan manam même nit même ki sax da ngay gis comme souri jinax mom bu limi dund ci temps boko comparer ak ñeewi bo xolé dafa gën nek en hauteur ni motax même ñi nek en hauteur ñom ñoy gën di gudd fan souvent manam ñi nga xamne ñoo gëna ñol manam ci animaux yi ñoy faral di gën di gudd fan day gis motax ñom xol bo xolé ay sank lañuy ay num tudu ganar yi même ñu leen gëna tuti wéñ yi ñu ndaw ñi et cetera ñoñu sen temps day ñom sen temps par rapport ñun day tuti c'est à dire que ñom lepp li ñu def yépp mën nañ ko def ci ben journée imaginel wéñ wo xamanteni bi mu juddo ba ni mi génné aduna ci lay amé dom ci lay def lepp mais ci ben 24 heures lay doon lu mu gudd fan bu guddé fan bu gudd fan moy 24 heures la doon mais pourtant yow 24 heures yow dafa tout taram ci yow da nga jappale 24 heures mais du dara bo xolé ñom xalé yi buñu nekké ki ñu tuddu souri jinaxé ñom bo leen xolé nga comparer ko ak ñey lay dund 70 fois ci temps plus que souri bi mais sauf que bo leen buñu xolé ñom ñaar ki bi manam dinakh di mom da na dund li ñay wi dund ci bir mom bu dundé 1 an ñay wi dund 70 ans li ñay wi dund ci bir 70 ans yépp mom dund nako ci bir 1 an am yoyu c'est-à-dire que motax mom par contre voilà c'est-à-dire que ké moy gëna gudd fan de 70 fois mais ki cœur moy battre lu gëna gaaw 70 fois ki nek yu manam dinakh donc ce qui fait que ni relativité bobu donc hein dang koy gis même ba ci ñun nit même en tant que nit dang koy remarquer xol ñun buñu nekké xalé ni dangay gis bo amé vacances 15 jours wala une semaine day yag mu melni mais bo démé ci bénn dëkk ni nga dem sété ci say ay mbokk ni wala yoy non une semaine ni day melni ay mi day yag wala période vacances scolaires yi day melni comme si période ki la day melni da nga dund jamono yag day melni sax manam xaw tout manam école tidi dafa xaw tolo ak école tidi manam jamono joj day melni dañu xaw tolo période bobu ndax lan parce que relativité bobu la manam relativité bi nga xamantene mom ngay dund ci période bobu la niki nonou comme ñun ni buñu ñu xawé nek mag ni ñun par exemple ñun boñu comparer ak paye pour paye temps bi dafa gëna gaaw ko ñun na même ñun luñu wax ni yo aduna bi dafa gaaw temps bi dafa ra ki yo mi journée bi mais lolu ñun ni min ko yegge ni pay c'est encore pire encore pour pay c'est encore pire mais lolu relativité bu benen yone da ngay dang koy télo ci wala ngo voilà voilà legui xala bayel kenn ku ci nek top top ñu concentré donc lolu mom mo am ci ci bir manam alumoy mu lolu moy relativité bobu même d'ailleurs bo xolé subhanallah bo xolé subhanallah nga comparer par exemple Marrakech ci sen bir ñom ñep tolo wuñu temps bi nga xamantene mom lañuy dund manam tolo wuñu consideration au temps bi xolal ñi nga xamantene ñom la alcorane di wax nan bimu nan wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun xam nga lool la wax ci ben ay surtout sajda nan ben beus fi sa borom mi ngi tolo témeri at manam jurni at ci yeen li ngeen di compter manam kon ce qui veut dire que ni ñun lolu mais lolu non moy lolu ben groupe la ci Marrakech manam du ne manam dafa wax inda rabbika comme nimu waxe borom subhanahu wa ta'ala wax ci yent yalla isa sallam barrafa'ahu allah ilayhi ne yalla da ko yekati fa mom mais bo xole ci ñaarel osman bi la ko yekati manam ñooñu malaikatu tadbir lañ manam malaaka yoy ñom 1001 moy ben jour ci ñun c'est à dire que ñun buñu défé c'est à dire que ñun buñu défé 1000 dundu 1001 ñom ben bëss lañu gis mu jall 24 heures ñun buñu dundé 1001 amna nak malaaka yi nga xamné moy muqarrabuna ñoñu moy ñi def mi'raj bi moy ta'arujul malaa'ikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaru 50000 sana ñom ñoñu nga xamne dañuy yek ci borom subhanahu wa ta'ala manam dañuy yek bo wessu juroom ñaaral asman ci ñoñu 24 heures moy tolok ñun suñu 50000 ans ça veut dire donc question bi yépp donc problème bi yépp c'est relatif légui nak bu fekkante ne kon da nga transcender lool yépp genn espace et temps li ngay gis ne espace et temps en réalité existé wuñu fi yow sa borom nak subhanahu wa ta'ala motax lolou lañu tuddé al anul ilahi ñu lañ koy tuddé manam moy l'instant divin wa bu do tuba lan lay wax l'instant divin c'est-à-dire que borom subhanahu wa ta'ala viñu jang tahayyul wa manam borom subhanahu wa ta'ala amul temps par rapport ak motax ngay gis muy conjugué lo xamantene da fay wara ñew mu koy conjuguer au passé comme ata amrullah fala tastajiluhu ata gis nga yawmal qiyamati dik na xam nga ko au passé la conjuguer hein manam alors que ci ñun luy ñew la mais comme mom temps amul ci mom c'est à dire que tout est hein amul voilà c'est à dire que lepp yam ci mom temps bi yep mom ben instant la manam ben instant la ci mom amul en réalité temps mo amul ci mom ñun même bu ñuy wax l'instant divin nonu c'est une façon bu ñuy wax pour mën affaire bi jégué ci xel yi rek mais sinon mom amul temps voilà kon lolu le fait que borom bi subhanahu wa ta'ala mel nonu manam mu nek ko xamantene kon amul espace amul temps niki nonou kon mom ndaf meusa nek naka jek te da ngay gis par exemple ngay gis muy netali ci alcorane yo xamne xam nga alcorane pourtant wacc won nañ ko ci baytul izzat avant manam binon nañ ko ci nuntulu ci lawful mahfuz après mu wacc ci baytul izzat après ñukoy wacc par dank dank ngay gis borom subhanahu wa ta'ala di wax lo xamantene day doga xew d'ailleurs lolu bokk na ci problème bi gëna reuy bi waxa bi di comprendre lool moy le fait que bon ñom ak ñu melni ñom manam mu jassi ma parce que ñom problème bi gëna reuy biñ comprendre lool ci bokk na ci affaire bob moy le fait que borom subhanahu wa ta'ala di manam alcorane mu koy wacce solo ay circonstances de révélation le fait que ñom lolu nak xawri ci ñom que ni commence à se faire que bu fekente na alcorane di dañ koy wacc ci circonstance de révélation comme par exemple le fait que par exemple xare oxot am masana xare oxot am borom subhanahu wa ta'ala man am ay xew xew yu fa xew borom subhanahu wa ta'ala dadi wacc alcorane dadi wa irghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ada lil qital wallahu sami'un 'alim manam kuma sey wax hein moy fatlikul ba nga xeyé hein djugé ci sa kër di préparer place xex bi xaré bi hein ngay préparer djulit ni manam moy gëm ci xaré ak yoy manam lolu ñu né mais ça veut dire que bu fekkenté né manam ko lolu moy circonstance bi dafa xew ba bari alcorane doga wacc pour expliquer lolu ce qui veut dire que ni motax ñom problème bobu bi nga xamantene am nañu problème pour saxal pour dindi lolu legui dañuy sét nan lañuy interpréter kon lepp lo xamantene mom day wacc même hatta ci alcorane di expliquer né alcorane fa sala ñu wacc nek musu nekkon na d'abord ci lawhul mahfuz comme alcorane nan bal huwa qur'anul majidun fi lawhul mahfuz na alcorane hein bu tedd la ngi mi ngi ni mais bu mag la mais ci lawhul mahfuz manam ci lañ ko bindol motax ñom niñ koy comprendre manam niñ koy bëgg rifiré moy dañ ko dañ nan manam moy manam alcorane bi existence am nekkon na ci lawhul mahfuz manam doon nañ ko wax mais pas alcorane bi dans son nañ manam ni mu nekké ni comme liñu wax innahu la fi zuburil awwalin manam ni alcorane dañ ko bindon waxtane won nañ ay mbirop ci zubur manam téré yu ñëkke comme ni ko alcorane waxe bon ñom lool mais problème bi moy légi ñom loolu ñom rek ñoko firé non té loolu mën ta nek ci l'islam manam ijma bu xese bu am ci benn mbir ñom loolu do mëna nek benen bi mom moy ay hadith yu deugër yu nek ci par exemple mustadrak bu hakim wala yenen mu'ajjam bu tabarra rahmatullah ak ñenen yu ibn abbas radhiyallahu anhu bi expliquer manam parti bobu manam ni alcorane ni muy wacce d'abord ci lawhul mahfuz après wacce baytul azza et cetera donc manam loolu mënu ñu ko interpréter mais problème bi nga xamantene mo leen pousser nak legui ci seen xalaat mënu ñu ko comprendre loolu mom moy lan moy dañ doon wax legui moy dañ mënu comprendre né espace bi temps bi yalla amuko mais c'est que loolu buñ ko xese ba nangu azaliya gogou dina am leneen bu le benen problème bu ñuy am benen problème bu gëna graw encore bu ñuy am moy seen manam seen pass seen doctrine yépp moy mab parce que sen doctrine dafa basé wu ci ne yalla mom mi ngi ci kaw arach tok té lolu bu fekkante ne ñom dañ ko jappé nonu yalla nga ci kaw arach tok manam ci kaw kaw kon lolu buñ ko jappé wé nonu moy né kon yalla amna parce que arach lu mu reuy mindeef lu mu reuy motax par exemple Ibn Taymiyyah di bañ riwaya bi non wala shay maahu bob muné nono dedet wala shay qablahu la manam mu japp muy manam yalla da fe ma sa nek amul dara lu fi nek ndaw ak mom mais mom muné dedet dañ koy interpréter wax joju né limi tek moy amul dara lu ko fi jitu mais sinon yalla mom da fe ma sa nek ak minde fi mais ci naw am nga manam ci espèce bi manam espèce mindi fu fi mësa né comme par exemple arach da fi mësa né ndax yalla da mësa tok ci kaw arach manam deux choses comme ça alors que bis bo dindé né arach dafa mag dafa ki arach lu mu reuy mindi fu té comme espèce la mom moy li wër aduna bi yépp lan lu mu reuy bu dé gangu na kessé la manam kon limi ték moy soit bu ci yalla toge soit mom day tolok yalla wala yalla gën ko reuy wala mu gëna touti wala yalla gën ko touti jeexna ñetti possibilité yi mëna ñetti possibilité yi do nga mëna du deug té benn bu mu ci mënti doon xel yaru parce que bu fekkata da nga ni da gëna touti yalla non moy kon mom nan la ci établir nan la ci togué hein wulé da nga moko gëna reuy ngani kon ah kon kat mom mo gëna reuy yalla té loolu yeen wut manam bu fekké né da nga ni ñoo tollo kon mok yalla tollo té lu tollo ak yalla kon nga wut hein manam ak no mëna wëlbeuti mbir mi ak no meun di wëlbeuti mbir mi mom du yalla maana rek et que tamit bo d'accord nak lay keune arach dañ ko créer et que yalla bimu koy créer boba tan amul espace amul manam da ko créer bien après tamit bo d'accordé ci lolu ñu né la ok c'est bon comme que daf ko créer après kon soxla wuko yalla soxla wuko wala moy wahuwal ana ala ma alayhi kan manam ni mu nek ni moy lam nekkon avant amna nak wax ju imam abul qasim al qushayri sama xel mu ci lolu radiyallahu anhu jele ci imam al junayd radiyallahu anhu ci risalat man risalat al qushayri ne dañu laj al junayd fa la sama borom nekkon lata muy bind wa dañu fa la sama borom ne ayna allah lañ ko laj fa la yalla ne munako yalla munako muné ma nga famu nekkon lata muy bind minde fi lata muy bind dara namu nekkon fofu la ne muné fan la nekkon fofu muné moy fi mu nek legui afra munako wa me fofu fan la munako bul jël espace ak temps nga koy natta ci yalla amul dara lu melni mom lay sa chemistry fi ci mu jeex manam kon yalla amul espace amul temps parce que bu amé espace ak temps rek ça veut dire que dañ koy régir donc dañ koy conditionner té ñun ñi nga xamantene ñun la espace ak temps di conditionner gis nga ni ñi mel jarul ñuy wax kenn dara ak ku mën doon ak lu mën doon bu ko espace rek temps bi di rombu fi tout temps leg nga gis mu mag wala muy soppeku wala muy wagneeku wala muy yok wala mu et cetera manam dina am ak effet bu muy def ci mom kon lool mom legui nak lool nak lay lay wax ne nak manam borom kon ci azal non la manam non la ma samal kon ce qui va dire que ni manam ba lool legui ma ba legui ni lool soppeku bu legui lool soppeku legui nak lool lay muné kon borom subhanahu wa ta'ala ba mu nekké mom non muné fa barazak dafa mam man explication biñ joxe legui ni c'était juste pour ñu comprendre né que ni borom subhanahu wa ta'ala namu nekk ci azam amul dara lu nekk ak mom amul dara lu nekk mom té soxla wul won di nekk ci place té ba legui soxla wul nekk ci place yalla nekkul ci place en fait motax nekkul ci bir aduna bi nekkul ci bitem manam nekkul fenn d'ailleurs lool Ibn Qayyim xam nga mom comme mune ndeysan mune gay manam ashar yi lay wax manam waahu sunna mune ndiki mune walan waxe ñu ne waaw yalla nekkul ci bir aduna bi nekkul ci biti aduna bi amul temps manam amul espace amul yoyep wa legi tay buma la doon wax ne nga définirul ma al adam manam nen moy le néant l'inexistant tay so mo waxo munuma la jox définition bu gëna bax bi que ne moy lo xamantene la amul ci bir aduna bi nekul ci bitim bi tax manam amul mais bobu c'est que en fait te fekk buñ ko don wax ne ko tamit mën nañ ko ton ne ko mais buñ la waxon ne la amul lo pourtant amna lo xamantene amna xel amna et cetera hein day dund day ba pare amul yap amul yakh hein amul deret composé wul par lolu yep té pourtant day xalat day dund di dem di dik di exécuter ay ordre et cetera té moy malaka da nga nan ma animal lepp luy mën di xalat di am di dox di def ay am ay bëgg bëgg di dem di delu sé yoy normalement da wara am yap ak deret ak yakh voilà té pourtant manam c'est parce que manam wax jojo da ko natta li ci minde fi alors que yalla mom dafa genn mi ndefi wala da ko natale ci limi gis ni alors que wara ñu ko natalal ci lool donc kon manam bi borom bi nekké nak mom kessé amul dara lu nekk ak mom mune fa barazat mu dadi kon genn haqa'iqul wujudi deug deug nekité fi al mahsusati yani lam moy le monde concret manam concret yi nga xamantene moy nekité fi l'existence concrète ñoñu sen réalité yépp dadi nak genn nak mais biñu genn nekkuñu won nonu rek mais dañu nekkon mune shu'unan ay mbir yo xamne malhuzat ñu gende ko lañ manam yo xamantene c'est comme si de en fait dañu nek dal ay mbir yo xamantene manam tay boko dor ki di nga gis ne manam yu am sens lañ dal yu am sens lañ yo xamne manam bu da ngay gis c'est comme si dans le monde imaginaire lañ existé yo xamne la wujuda det ak nektef la hañal ko fil khariji ci biti manam kon ñom nektef yépp moy ñun minde fi ci dess yépp dañu genn nak nek ay bir yo xamantene manam c'est comme si voilà yo xamantene haqiqa nak nekku ñu lu existe réellement mais ci bir la nek manam ñu ne waxataban ñuy waxtaan ak al asma tur yalla allati yi nga xamantene hiye ñom li hadal ism ñel na bobu le tour ash-sharif hein ci manam bu tedd bi manam kenn ku ci nek day wax tour bi nga xamantene mo top mo yor sey mbir comme wërse gi di waxtaan ak razzaq comme minde fi makhluq di waxtaan ak al khaliq ki bind hein wu xewali di waxtaan ak al mun'im ki xewalaté et cetera manam bakkar yi di waxtaan ak al ghafur ki jéggalaté yangi deg et cetera manam lepp dal lu nek da ngay waxtana tour bi nga xamantene mom mola mel deug nga motax mu nek kal falak kem ak ngunu la manam moy al muhit bay aji pek ala qutbihi ci li nga xamne mom moy qutbu moy li tax manam li nga xamne ci lol lepp di wërwërlo moy pol moy axe bi nga xamne moy tax mbir mi daw manam kon ñom non lañ def manam dañu ñew ñep dal di wër tour bi di wax ak mom deng falak mom moy comme galaxy deng comme galaxy muy wour ki comme voilà mune fa qalat murad wax al mawjudat nekte fi dal wax lil asma ñel touri nekte fi nak commencé waxtan ak touri ni len waw innakum yen kat li wer bo war al ana legi ni ñu nekké ni la tawrafuna ken xamul len yen instant bi ni ken xamul len li annakum ndax yeen kat fi butuni yeen ngi ci neubuk al butuni ak neub manam ci bir neubuk nan mon occulte de l'occulte même manam intangibilité de l'intangible yeen fofu ngeen nek di ngeen neub ci bir neubuk yi kenn munu len xam parce que ñu ne wa falaw abrastumuna ay bo len ñu genné won manam bo len defon ba ñun ñu mëna genn nak ci biti de ce fait ñuy gis ne yeen seen effet mo nek ñu motax en réalité aduna bi dara nek fi luddul la yalla ak ay tourum ak mirom parce que tourum yi rek ñom ñoo manam effet tour yi rek la ñuy gis effet tour rek lool la ñuy gis hein deng kon bo len ñu ballo won hein li zuhur bu ko defé ngirup feñ la zaharat giñ leen dana feñ fi na ci ñun ahkamukum seeni até gis nga seeni effet dina fenti ñun wa tawajjahat ta dana djublu fi na ci ñun tasarifukum seen ak sopandiko fata mayyazat bu ko defé mu ragne ko maratibukum seen martaba seen rang deug deug ñu xam ko an butuni ha wulif neub gi nga xamantene mom la neub wa ariftum te def na len xam way wa arifna ñu nit def na ñu xam ñek ci fi daal wax lool wala ñu yeen daal bo leen ñu fexé won daal ba ñu genn ci biti ñi han booba dana tax ba manam seeni atté manam seeni soppandiko seeni manam administration seeni manipulation seeni gérance yoy yep di am ay effet seeni effet di feñ ci ñun kon lolu dina am ñun yeen da ngeen ci bénéficier ndax dana tax ñu xam leen yeenay tour yalla ñu nit minde fi da lañ feñ té dana tax ñu xam deng faqalat mu daal waxal asma'u turi lil ismi ñeel tur al jami' bi dajale yenen turi wo wote moy ar rabb borom bi manam ar rabb motax borom subhanahu wa ta'ala bi mi tambal motax tiyum muy wax mu ne alhamdul daal wax lillahi daal indi rabbul alamin gis nga borom mindeef yep alam moy alamun alamun moy jamo la ci alam en fait alam mom jamo la mom ci jëmmi bopum jamo la manam moy pluriel la alam ci bopum moy monde mom ci bopum pluriel la bu amul singulier mom pluriel la mais amul singulier alamun mom monde la ci monde yi parce que le fait que muna alamun nak liko wutelek al awalim parce que alam dañ koy pluriel la ci awalim dañ koy pluriel la ci alamun légi awalim moy monde yi mais moy que matériel bi manam souf ci asaman ci adjana ji safara ci et cetera manam arash bi kursi manam moy monde matériel bi ni alors que buñ né alamun moowa moy ñi am xel manam moy légui nak ñi dund ci kaw ci mbir yo ya légui buñu waxé ñoñu dañu da dugalale ci lañu dund manam lol tamit borom subhanahu wa ta'ala daf ci def benen djundju moy ki am xel limu gëné kiko amul manam nga xamné da am xel te ci xalat diko jëfëndiko limu gëné kiko amul motax mu tuddu ñoña te tuddul ñoña te d'ailleurs bo sét lo alquran ba alquran rek tuddul awalimi alam ñun rek lay wax du wax le lepp day djundju manam am xel ak ko xam ko mën di xam xamé limu gëné ñak ko am motax bo xolé mom ak ñum alim ñoy yep ñoo bokk rasin ay ilmu xam xam wala alam mandarga et cetera deng kon mune kon yeen legi ñom biñu ñewé ne kon waaw legi kon ñun dañoo bëgg ngeen ki ñom tamit tour yi ñom dañoo am chef mbolim tour yalla yi nak dafa am benn tour bo xamantene mom mo leen dajale moy rab lolu motax amna ci ñuy wax ne rab mom moy turu yalla bi gëna mak né en réalité rabbu amna ku ko yëlef moy Allah wala alhamdullilah dogo wala dafa def rabbul alamin après rahman bobu ñew rahman jégué gi mu jégué Allah reuy gi mu reuy motax même ci basmala nga gis ñu lekkale len bismillah dogo ar rahman ba pare ñu ci rahim manam martaba uluhiyya la rahman moy tour en fait rahman ak rabbu li len woutale moy rabbu mom moy tour bi nga xamantene mo dajale mbolam tour ci luñu jëm alors que rahman moy li dajale li nga xamne moy martabatul uluhiyya manam borom bi le fait que mu nek yalla biñu wor jaamu relation mbolam relation bi nga xamantene mom la yalla di am ak mindeefam yi ak mindeef yi relation bobu liko gérer moy tour rahman mom moy gérer relation yoy donc ce qui fait que bolem nek ci fi dañuy daal am relation ak rahman alors que yenen tour yi dañuy am relation ci li doñ am relation alors que rabbu mom géré na lol mais géré na lenen nam ta manam voilà manam mo géré lepp daal rabbu manam buñ do nos dañ na mëna manam dañ koy mëna gamgamlé ak comme yeen rew yi manam wallahi masallu ala ak yeen rew yi comme Angleterre par exemple dañ koy gamgamlé premier ministre bi nga xamné moy le chef mo xam nga xam mo manam premier ministre xam nga Angleterre premier ministre da naka moy president yenen li leen ci dess voilà manam rabb après lañ ko meuna gam le legui nak mu dess am nak ko supérieur moy bour bi mom du fi juk abadan xam nga bour bi mom kenn du ko fol li kenn du ko ki teep mom bu bañé dara bo moytu lola du am et cetera voilà donc voilà legui wallahi masallala legui mu ne kon nak legui nak ñu dem ci rabbu nak wa tawajjahat mu daal di jublu ilay ci mom al asma'u turi bima ci li nga xamne tawajjahat mom la jublu ilay dem ci ñom haqa'iqul wujud nek realité manam nek deug deug yi nek te fi manam moy realité nek te fi fa qala lahum wa khlan ismu rabb tur bob moy rabb nelen ah hatta khana mbete ngeen xaar rek ba adkhulu mu daal di duggu adkhulu mu duggu ala ismu ci tur al jami' bay aji dajale tur bob nga xamne nak mo dajale lepp la wa huwa moy allah lena ko dakhala mu daal duggu ala ismu hadrata wa hadara wa khatabahu mu waxtana mu daal di waxtana bima ci li nga xamantene mu jokkolante ak ñom kaddu bima ci li nga xamna khatabahu mom la jokkale won mom kaddu bi ci mo war asma'u turi fa qala lahu mu daal ko wax ne ko hatta tur bi daal ni ah hatta mbete kay addu khulu mu daal duggu kon nak da ngay ligi diggu manam man la ci mu superior tadkhuluma duga ala madluli ci kamay tektale man moy li ndox jotay bi yo ci walu ne han Allah amna manam mo lu sidal arabu musahir radhiyallahu anhu don wax nan lu fekk borom ne bismillah moy amna tour bu muy tektale tour bobu muy tektale lol la jundju ci ki bobu voilà deng muna kharama dem ci kamay tektale man mo kok nak mom lañuy wax nak bismillahir rahman moy bobu nubut voilà deng muna fa dakhala mu dal dug ala alhaq ci bur yalla bi deug fi hadratati hadra jalalihi magaya moy majesté jalla magna wa ala kawena magaya kaway bobu xel mu def wayati hadra bobu moy hadratu zat moy hadra nek gi al muqaddasati nga xamantene dafa set ci mbollem yu mat dafa set sax ci lu mat waxuma la yamatu fa khatabo mu jokalante ak mom kaddu nak mom bima ci nga xamne khatabat mom la jot ko ron alas ma turi bi ci mom rabb wa talaba musa min ci mom ma la xamne talabatu sakku nagn ko ñom nek te fi bi ci manam yenen turi bok bi ci mom rabb faqala lahu muraduka wal haqq bur ya subhanahu wa ta'ala salangem gatcha galamo ta'ala takana kay bo upp xel mi def meuna ukhruj gennal ilayhim jëm ci ñom fa inni naka man mu brisul aji feñal la ma la xamne talabtu mu aji genni la aji ballal la deug muy en fait voilà faire émaner deux choses voilà ma li nga xamantene talabtu mu ho mom ngeen di sax fa kana murad nek ana hada su'al ci gogol ak laaj nak ci gogol ak laaj buruzul wujudi manam gennu minde fi bi asrihi ci mbolam se ñom ñepp ñu daal di gennu nak lool mom mo sababal mbolam minde fi daal di am borom subhanahu wa ta'ala amal leen ci tour bi nga xamantene mom moy Allah legi nak rabb mom mo leen di gérer ñom ñepp ñu gennu kenn ku ci nek mu tek la fi nga xamantene mom lañ la wara tek manam bayiwulen rek ñu gennu nonu ba bare amul ben agencement amul ben ordre amul dara dedet motax xam nga rab motax tour la bo xamne biñuy wax ci ismu allah azam bi joton nañ ci wax manam rab tour la bo xamantene dafa dajale ay mana yu bare yu nek yu laqlu wala ci bir day tekki ak sango day tekki borom day tekki ki nga xamne moy yewenal mbiri day tekki ki nga xamantene mom mbiri day tekki ki nga xamantene moy yararte moy yar mbiri moy yar lepp day tek ki nga xamantene mo len amal ci ciossan ba pare di len yikiti di len évoluer lo ba fañu wara yam lolé yuyip rabbu daf koy tekki wala ci bir donc mom mu défar manam mu jouer rôle am tamit en tant que comme walila matalala en tant que premier ministre gérer affaire yi gérer ko dam ko wara gérer ba aduna bi mel ni mo mel Allah han subhanallah amna ben jour non yow nekou fon keur seigne gay la won fek am ben yakarna president mo don wax ci walu yow seigne tallo mi ngi fon moy biñ don wax ci walu manam ki manam leg est-ce que obligé manam wa gi nga xamantene xeyna day am yu muy def nit ki mu diko dal ak yoy day obligé utiliser djinné wa wala det wala xef yoy non wala mu am yenn dal yo xamantene day xew té muy mu kimané lol té dafa melni dal ko affaire yi manam obligé wul waji jëfandiko ak djinné manam dem dox utiliser ay djinné ak yoy non pour dara xew wala même ay mais en fait dafa fekk né manam bimu évoquer situation bobu bis bobu dot waxtanon nañ ci li aju ci keman gi borom bi def ci aduna bi manam parce que lolou kemané la quand même parce que sans borom en fait té lolou li mu dako expliquer le fait que sans borom subhanahu wa ta'ala keman gi moy lenn lu ci nek daf ko woutal mu liew manam mu liew ko ak ay touram de telle sorte que tay manam fonctionnalité bi dépendrul ci kenn agir ginnaw ne mom mo doxale non mbiri te yoy yep ci touram yi lay jaar xolal tay par exemple bo taxawon tay ngay ñaan diw sangam de yalla nako yalla defal nangam yow pourtant tour bi rek ngay tuddu situation affaire bi manam comme yalla mettre na en place tout ce qu'il faut tout le système mam système intégré la bo xamné lepp def nako ak ay tourum mam té lepp ci tourum yi lay am de telle sorte que yow bo waxé touru diw diw dey ay ndeysan diw dey yalla nako yalla jappalé oy way yalla nako yalla la nga man lool rek nga gis affaire bi daw manam soxla wul jinné wala rawan wala dara day daw dem exactement ba ci koku mu dal ko te yow spécifié wu manam du dara même tour bi rek nga tuddu affaire bi dem ba ci ko niki nonu ngi nit moolu nit tamit affaire bi daw dem directement ba dal ci ko et cetera topal lool manam parce que borom subhanahu wa ta'ala nimu bindé aduna bi daf ko bindu bu yémi bo xamantene li ci upp sax ba légui ni mais khajaatu milliard jëm bi xamaguñ ko ba amane sa borom subhanahu wa ta'ala li nimu def ba nga xamantene lenn lu ci nek di dox exactement ni nga xamné nonu lako agencer non lako téggé ci tourum yi ni tour yi ñoy dawal mbir yi ba paré yoyu nonu dañ ko daf ko def de telle sorte que affaire bi dafa nek lu naturel parce que manam comme liñ wax légui moy rab manam lepp dafa nek ci ordre parce que ku wax yar indi ordre indi gérance indi lepp lo xamantene lu manam lu jaadu la de telle sorte que tay imaginer tay manam le fait que man bu may wo téléphone nit buma composer numéro mais duma tomber ci kenen kudul ci numéro téléphone bobu mais lolu technique la bo xamantene nit ñi defu ñu luddul découvrir ko manam moy gis ne ndekete amna ndekete borom bi tagatal nañu ko ñu exploiter ko lolu rek la du leneen du ñoom ñoko du kenn moko créer mais luñu découvrir ak amam la internet bi non fo mën di nek nam ki affaire bi jall nangam mais yup ay tour yalla ñokoy dawal motax mais borom subhanahu wa ta'ala def bi mu def ba lenn lu ci nek am lien ak leneen ba paré nim ko défére mu défére ko ci anam go xamantene ay tourum yep dañuy daw ci lu nek ci anam go xamantene ñoom mënuñu ko bañ tay sa ordinateur bu bañon né du dox du ko mën a moins que mu am luñ ci soppi lo xamantene borom bi nonu le teul le loi mi ci tourum yi né ni lay doxé lool boko soppé affaire bobu doxé non manam melni tour yi ci seen bop sax lool mo ci ngay gissé nak né ci ngay gissé arif lool motax arif billah di meuna am simplicité bobu ci mbiri manam muy def lu muy giss di giss borom ndax borom mom bu dafa comprendre né ndekete yi yépp du dara lulul ay tour yalla ak ay melom ño feñi ce qui fait que lu mu giss rek yoy lay giss manam effet giss nga effet bi tour yi am ci nek ci fi lool boko comprendre rek moy comprendre nga boko comprendre nak comprendre ba hein wa lool mo yime en fait le fait que tay bo bindé ben affaire ni rek ni pour wala nga am ben zikar bo zikar ni wala yoy affaire bi dem defi ji effet exact bi ngi ci doon wut wa manam mbir mi dafa demé lo xamantene subhanallah amul kenn ku ci am loolu di découvrir di xamné mbir mi kat ni la démé rek mais yow do ci dara en fait parce que ñaan di ngay ñaan muy nangu yow do ci dara yow da nga ñaan kessé mais yalla moy nangu no et cetera manam li tax bu mbir mi di démé ni hein comme ni bo jëlé yar tek dur ko ci yaramu nit ki muy metti mom ci mom effet bobu non parce que lolu dafa am système bu bari bu dox bala muy metti ci mom ak yow tamit sa loxo bi bu bañono dur sax danaka duko man parce que yalla daf ko bind ba paré fonction muy fonctionner tour yi nga xamantene ñoy doxal loxo bi ñom nonu lañ mel ñom ñoo yor fonctionnalité te tour yalla yi ñoo upp doole lenen lu dul mom motax mom mo fi nek rek di def lu ko neex dindi donc element ba ci système bi voilà element rek la voilà element nga ay yo xamantene manam da nga feñ c'est-à-dire que mbir yi dañoo feñ mais feñ gi ñu feñ c'est parce que touru yalla yi ñoo leen feñal touru yalla yi leen feñal té touru yalla yi biñu leen feñalé ci lañu juggé feñal lepp lo xamantene manam ba paré touru yalla manam biñu leen feñalé dañu am lien ak leneen lu mën doon amul dara lu amul lien ak leneen amul Allah waaw deng kon nak minde fi tadi genn am mota muna fa hada li nak yadullu de tekta ala anna ci kawne hada ismu bi le tour hada ismu bi le tour al azam baye digen mag laysa nekul li illatin ci ben tax tax min al ilal ci tax tax manam amul dara lu tax ñu ni allah existe amul innama li abdas moy wo mom ismu zat mom moy turuk nek nek gi al mutlaqa bay aji joyal al wajibati nga xamne aji war la al wujudi nek ak nekam li zat ha ngir jëmmi bopam yalla mom dafa nek te la tax mu ne amul leneen lu waral mu ne manam leneen lu mu ndon dafa am parce que dafa am lu ko waral moy ay yalla ko waral moko genné namal ko ci ay touram ak ay melom mais yalla mom ak nekam mom amul dara lu ko waral mom naka jek dafa nek manam amul ne ah waw mbir yi day dañ jek ah waw yalla day mom da war da warona am ngir nangam rek mu roga am dedet manam mom ak amum ci la yenen am yu juddou niki nonu xam xamam ci la yenen xam xam yu juddou c'est que yalla xam gi du xam ex xam nga tay mbir mu ne manam yi ni manam xam giñ koy xam xam bi ni xam mbir mi mo manam existence mbir mi mo waral ñu xam ko tay par exemple tablette bi su fekkonté né existé wul duma ko xam manam existence mbir moy waral ma mëna xam mbir mi du deug bu gayne amul won duma xam luy gayne han mais lool moy xam xamu ñun suñu xam xam moy minde fi mais yalla xam xamam demé wut non yalla xam xamam mo waral mbir yi am c'est-à-dire que mom le fait que mu xam ko motax bo am alors que ñun contraire la mom le fait que mu am mo waral ñu xam ko hein topal lolu ci lepp deng motax kon borom subhanahu wa ta'ala mom nek nekam nak amul dara lu ko waral motax ak nekam dafa war ngir jëmmé bopam kess manam dafa war buñ ko waxé ci buntu bi buntu aqida la manam tasawuf la ni ngay gis ci haqaqi lay wax han ci almul haqaqi mais dafa laal tuuti ci aqida mom moy kalam ni almu kalam dafa laal tuuti ci xam xam bop manam buñu waxé war ci aqida tekkiwul buñu nan war par exemple ci fiqh wala ci usul fof buñ fa waxe war moy li dang ko wara def boko defut nangam la alors que fi manam war giñuy wax fi moy ne munuñu concevoir lola baña am lolu moy ne nangam dafa war manam ak ñak amum lañ mënta concevoir mo mënta mo yanuul manam lolu tax ñu nan lolu dafa war manam yalla ak ñak amum mo yanuul manam nit mun manam xelam gis nga leg sax da ngay waxtaan ak ay atté man da bay waxtaan ak quelques atté ni sa yuma tassé ñoma subhana rabbi mais à chaque fois damay formé amnañu lay buñu mëna joxé buy waral ñu mëna nek ci seen athéisme bobu ñak gëm né yalla amna mais so waxtaan ak ñom bo wax ki ni da ngay gis ñom ñu dañuy gatt c'est à dire que duñu am mukk raisonnement bu juk bo len déparer ci point wu le fait que aduna bi existé nangam estralu existé amna lu ko wara existé ngien déparer fof boy war def raisonnement bo pour atteindre fele moy li ki wax rek en réalité bon mo nek ci sanusiya bi et cetera normal moy li ibn asna wujuduhu lahu dalilun qata hajata kullu muhdathin lisani' wa yalla ak nekam dafa am ben dalil bo xamantene moy bu dox moy bi nga xamne mom bobu kenn mënu ko détourner lu way ri xal mënul détourner lool moy lan moy xadi adio bi nga xamne kullu muhdathin lepp lu soxu adio nako lisani agnar kuko defar lepp lu défaru rek lepp lo xamantene lér na ni nekku fi pré-éternellement c'est-à-dire que amna ben moment bo xamantene buñu délo temps bi ci ginnaw amna ben moment bu existé wul won lool dafa soxla ko défar lepp lo xamantene lool mom bo démé ni aduna bi kon amna ben moment bu amul won amna jek jekul rek amul bopom il faut mu am kuko amal té koko yalla mais gis nga démonstration bo bokoy indi non da ngay gis ni ñoom ñep dañuy gat dañuy taxaw dootu ñu amati lu ñu wax xam nga lan lañ wax tout ça ñu ma ci tassel da naka ñu ci upp fan lañuy lan lañ wax oui c'est vrai que non si à chaque fois damay fogné buma taxaw ni ki waji ni até la mom nangam damay fogné dinañ am buñu commencé waxtan rek dina am dina am xeyna ay argument yu muy xawa mais buñu duggé ci domaine bobu buma door ko argument bobu rek damay gis né buñu commencé gak bon maintenant nak kenn ku ci nek ak solo amna ci ño xamantene wax bi ni mu vagué ni du len doy il faut que mais de toute façon li moy résumé bi amna ño xamantene wala wax bi ñom di len jema indi tout temps ay xey ay galgal yu ñu jema indi ak yoy mais tout temps so len waré ni len non de toute façon li ni rek mo yanu mana mana doy gis ñu commencé ñu gat do hein deng de kon mo mu ne kon borom subhanahu wa ta'ala le fait que mu kon Allah tour la bo xamantene kon day tektale kat nek nekam gogo muna wa innama li amba des moy yasih dana wer at ta'lil da tax taxal fi ci mom manam di ko indi ay cause nan li motax ñu tuddu Allah ak yoy muna law kana bu fekkonte dafa nek muxtasan bi lu jago bi lugatin ci ben lak min al lugat ci lak kal arabiyat kim arabiy masalan manam ci exemple misal li an al lugata ndax lak la yudaw deful tek fiha ci mom lak lafdul abbat illa lul mulahadat ci gende ko giñu gende ko manam bayyi xel giñu bayyi xel manan ben manam minal maani ci manay manam lak mom sa yu nek buñu waxe ben mbir rek dafa fek ne dafa am luñu bayyi xel motax ñu wax manam duñ ñew rek indi ben muwo nonu rek muwo bi amul dara lu muy tek amul ben maana ci ginaaw sa di ko ñun langage yi ñi wax ni xam nga lool mom mo indi langage manam ñun langage yi ñi wax luñu waxtane fim toll li may wax ni ngeen diko deg do fekk ne rek dafa am sens bu nek ci man ci sama xel wala ci xol bi lo xamantene mom la bëgg boko deggé nga dal koy comprendre légui nak solo nit ñi ak solo ki ngay waxal da ngay utiliser un terme yu bari wala yu tuti tay su fekkante ne tay manam man limay wax mën na ko wax ci benn mo mu ëmbalé mbolém sens yima fi wax yépp té mu leer mané ni mako comprendre ni mu nekké ci sama xel ni lay téggo ci sénum xel du soxla muy développer kon manam benn mot rek lay jëfëndiko mu daal téktalé mbolam li ngay xalat manam mbolam li nga xamantene man mom lay xalat mais bu fekkante né gis na ni il faut ma dem ci ñaari mot il faut ma départ ma démat ci ñaari mot yi mëna léral mbir mi bu deug motax léla ngay gis benn lak di wax benn affaire bo xamné mom benn mot rek lay utiliser pour expliquer ko benen lak nit ki mom kuko bëgg traduire ci benen lak faaw mu utiliser yenen muy bari mu utiliser expression pour déterminer manam moy la lolou mom lay wax ni manam ki ni benn sens il faut que li tax manam li ni bayyi xel hein moy manam sens yi wax yi man lak lolou la lak sa yu waxe dara dafa am lo xamantene mom lay hein voilà mom lay hein manam mom lay bayyi xel manam mom lay sens bu muy bayyi xel ci ginnaw lool nak la lay wax ne nak lool bu doon dañ koy prouver manam bu doon batu Allah dañ koy ki dañ ko tek ni dafa joge ci lak yi konanton day soxla ñu mën ko argumenter manam day soxla ne dafa am manam bu ñuy xaar ci ginnaw bo xamantene la wara tax ñu mën ko tek moy nangam alors que lool mom mo amul ci yalla parce que li tour la bo xamantene touram la mom ci bopam le fait que nak mu wax ne arab yi manam ñoko tek legui lol dinañ ci ñew legui inshallah mune wa hadha al ism bi le tour fi aynihi ci jëmmi bopam la yaxtasu jagawul bil lughati al arabiyyah ci lak arab wala ghayriha du tiagen benen lak min al lughati ci lak manam moy kon ci tosan biñu xam batu allah nekul won ni arab yi rek ñoko xamone ñoko wax maintenant nak légui effectivement arab yi ñoko ko tuddé manam ñom ñoko koy wowe manam ñoko koy wowe ak ñi nga xamantene xam nañu sens bi limu ëmbo lepp motax par exemple ñun wolof yi même baat bi danaka lañu jëfëniko ñu wax yalla ñe poli tu couleur yi di wax allah mais sauf que buñu délo nak ci yene amna yene lak quand même yo xamantene comme sérieur ñum rook lañuy wax comme par exemple anglais ñum god lañuy wax et cetera comme tuba bi ñum dieu lañuy wax donc effectivement manam lak la bo xamantene même bu fekente ne manam baat bi ci demi bopam du arab ndax topul règle arab yi mais sauf que arab yi ñokoy wowe manam kon du lool la dakk parce que loolu mom loolu manam lool dafa évident en fait du lool la dakk mais limu dakk moy le fait que ñukoy justifier manam ñuy wax ne arab yi manam que langue bi dañ koy mën di justifier par li nga xamantene mom la arab yi par ben langue ci langue bu mën doon mais xam nga mbir mu nak il faut ngoutul ko tour legui nak yalla manam arab yi ñom même bu fekkete dañ wax allah cela topul sen règle topul sen grammaire bi topul sen conjugaison bi topul sen dara ci ñom d'ailleurs sax même gaay dañ wax nan buñ wax nan comme allah alladhi lahu ma fi samawati wa fil ardi rak allah legui manam est-ce que nan la manam même tak ki bi ya arab be joy manam même côté bobu sax dañuy bañ manam dañuy buñuy wax da nga duñ ko nasax duñ wax mais allah dañ koy xaf du wala yoy non mais bon ala kul hal lu munti xew liñ meuna wax dal mom moy du langue bi mom motax ñu tuddé ko allah mais dafa tuddone allah bala langue bi d'exister lool lay wax ni manam ke nit ñum tuddu allah bobu langue bi existé gul deng muna balli fi nek jami'ul mawjudati mbolam nek te fi kullu lughatin ci bepp ci lepp lak min lughatil wujudi ci lak nek te fi ta'rifuhu xamnañ ko mom subhanahu gatch nga la mom xamnañ yalla manam amul benn moment bo xamantene nit ñi xamuñu won kan moy yalla amul benn moment bo xamantene nek te fi xamuñu ku yalla muy ñun en tant que nit suñu lak yi jinné sen lak yi bu dé amna yenen lak yu wokk te yu nit yi malaakai sen lak yi animo yi sen lak yi ñu tuddu manam même yi nga xamantene dañu inanimé chose yi sen langue yi li ñuy waxtane picci yi sen lak yi et cetera ñom ñep xam nañu yalla ba paré xam nañ ni mom mo fi nek manam di ciapatuli manam kon ñom ñep xam nañ ko deng manam kon xam nañ ni bi annahu niki mom subhanahu tudumu gatti nga la mom wa ta'ala ta kanum bi annahu tinum niki mom kat aynu hadha al ism moy jëm bi li tur wo wote moy allah la ghayra allah ghayr amul lenen kon mom moy yalla motax tay man buma waxe ni allah suma ko waxe manam mën na ko utiliser ci langue bu mën don motax bo setlo ci traduction yi ñu def duñu bëgg utiliser dieu comme ni ñi faal bëgg utiliser allah wala ci ci rek la ko baatu allah parce que mom moy tour bi nga xamne même bu fekke arab yi ñoko koy wax mais tour la bo xamantene ci mbolam langue yi dañ ko koy wax dañ koy wax allah sauf que dañu dem nak comme nim ko waxe legui manam comme li ngay gis moni que ni ñeneen ñi dañuy wax lenen dañuy wax pour définir ko mais lool yep day tektale day pointer rek ci tour bobu muy allah bi nga xamantene mom dafa exister avant langue yi d'exister voilà lool mom motax en fait di traduire par allah nangam mo geun ngay traduire par dieu wala yoy wallahu a'lam munawama hada andak lool yep kulli yep nak faqat deug ittafaqa manam deppona al arifuna ñi way nandite manam ñu xamne dañoy nandé ci yalla moy arif parce que arif am lool mu ko tek alim mom moy borom xam xam moy ci am day xam nangam alors que maarifa nand la manam maarifa manam fahm la gëna jégué manam luy compréhension la gëna jégué moy ak nand la manam luy nand voilà lañ koy acquérir acquisition de connaissance connaissance mune kon ñom nandité yi moy ñi xam yalla deug moy nane arif billahi radiyallahu gërem allah wa yalla anum ñom ñom deppo lañu qati batam ñom ñep nak ala anno ci nak mom nak aynul martabati moy jëmmi deug deug martaba martaba bi la aynu zati wa du jëmmi deug deug nek nek manam moy la moy allah manam martaba bi la moy comme luñ doon wax ke ni martaba manam bo demé ba nga xamantene dem nga ben ba dugg ci bureau oval bi sax président de la république moy sa martaba mais am nga tour après da ngay tuddu barak mais sauf que kon du jëmm nit ki même buñ nan le monsieur le président nangam nak mais yow lolu sa martaba la c'est-à-dire que ce degré là sa rang la sa statut voilà statut mais dou sa deug sa jëm nek deug deug tuddulo président sa jëm deug deug tuddul président lool motax ñi xam yalla deug deug deug ñom tour yoy amu joxuñu ko ben importance tour titre yoy joxuñu ko ben importance parce que titre hein deng kon manam and ak loolu kon xamnañ ni Allah loolu martaba bi la jëmmi martaba bi la mais du jëmmi nek nek gi man du jëmmi essence bi is ndax lan martabatul haqq martabay bur yalla bi deug subhanahu wa ta'ala ajkay di al uluhiyya gis nga moy uluhiyya moy le fait que mu nek ki xamne deug deug dafa yello ñu jaamu ko mom kesse te baña jaamu kenen moy divinité bi wazat way nek nek gi nak fi ghayatul butun mi ngi ci dayak neub mom dafa neubutu essence am lo tax xam nga motax da ngay gis gaay dañuy xam yalla di ci mais duñ ko gis ak seenu beut duñ ko han duñ ko laal duñ ko dat duñ ko han du len xel et cetera andak ne dina manifester wu ci ñom mais ci ay touram ak ay melom moy comme lool motax ñun doy manifester wu ci ñun ñukoy gis ci touru suñ ay touram ak ay melom ak yoy mais fa la yam am ma nek nek gi deug deug dafa nek ci dayok lan dayok neubut deng muna kon wazat kon nek nek fi ghayatul butun mi ngi ci dayok neubut la alam wa xamuko ghayru kudul mom subhanahu wa ta'ala ji kawji yalla rek ka xam bopam wama barada li lo xamantene na genn li wujudi ñeel nek te fi kulli yeb dara gennu ci ma barada gennu li wujudi ñeel nek te fi kulli ñom ñep illa ludul bil martabati manam gennu ludul ci martabam mom buy genn manam muy feñe yeb ci martaba le fait que mu nek uluhiyya moy allah ci turum bob wazat way deug deug nek te fi mom ghaibun ab kumpa la lay dur ko ha du ko daj akhadul kel feuy ndax mom dafa nek fi ghayatul butun ci dayak neubutu wal martabatu martabati martababi tamit fi ghayatul zuhur dafa nek ci dayak feñ motax yalla buñ ñepp ko xam ci moy martabam moy yalla mom lañ wara jaamu mo bind minde fi moy nangam yoyu ñepp ko xam ñepp xam yalla même ki nga xamne até la sax bi até bi gëna bon xamna yalla en tant que yalla dafa tedd dafa bax dafa le bon dieu le ki manam xet bobu xamna ko xamna tamit ne amna ku ñuy jaam ku tuddu yalla sauf que mom dafa d'accordul ne war nañ ko jaam momit yalla moko condamné ci lool mu wara voilà mais kon yalla mom ñepp dañ koy xam mar motax dafa feñay motax yalla ñepp ko xam mais ñepp ko reer ndax dafa nek ci dayak neubatu ci nek nekam essence am waye dafa nek ci dayak feñ ci martabam motax fama tasmaw li nga xamne yang koy deg fi kalamul arifina ci kaddu ya arif billahi radiyallahu yalla gërum allah bu yalla am ci ñom annahu nekat mom huwa mom azzahir moy ki feñ wax dawo mom kesse la wujuda det nek ci li xeyri ñel keneen kudul mom manam buñ nan la yalla rek ka fi feñ moy az-zahir na la al-awwal akhir az-zahir wal-batin mom rek ka fi feñ manam mo feñ a travers lepp lu feñ lol nan mom rek ka fi nek di feñ ak yoy lol buñ koy wax innama li am des mo yuriduna nya ngay nam zuhura feenu al martabat martaba bi lañuy wax la zuhura zat du tiagen feenu nek def nek nekam manum essence mais martaba bi la manum lu fekk moy allah duluhiya lool lañuy wax motax bobu rek mo wax sen teori yep motax ñu ko yamale ci allah neeku ñu fi di wax ci tu martaba manam martaba bobu non deug kon xamna ñu yom fofu inshallah jotay bi ñu yeggale batay ci sharham bi wallahu ta'ala alam wa sallallahu alayhi wa sallam wa ala sahbihi wa sallam ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.